Pour sentir l'odeur du pain, au sésame ou au cumin, fallait faire la queue longtemps dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison? Et les voisins, on s'en les gardiens. Ici je lis mon journal où je veux, et c'est banal. Ici je n'ai plus peur au petit matin. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. De la cathédrale et devant les braseros dans l'avenue. L'aveugle au violon très fort dans les rues que des vélos, j'entendrai toujours ces bruits qui continuent. Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient, tous ces visages sans un nom dessus. Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée, car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. Il n'y avait rien là-bas, pourtant j'y pense encore, j'ai un peu mal. Même si je suis loin, si je suis bien chez toi, je n'ai pas quitté mon pays natal.